Levez le W, ça se fait, les deux bras levés. Levez le W, ça se fait, même avec les pieds. Même avec les pieds. Venez tous faire un V, un grand V, les deux bras levés. Venez tous faire un V avec les deux pieds. Avec les deux pieds. Faites aussi W, deux par deux, les deux bras levés. Faites aussi W, deux par deux, avec les deux pieds. Avec les deux pieds.